Chapitre 3. En proie à de continuelles alarmes, l'intendant de la maison de poste, le vieux Toribio, se portait dans toutes les directions, épiant l'ennemi. Il espérait le voir venir d'assez loin pour que les deux dames et le petit roi Cinto eussent le temps de fuir. Un soir, il crut entendre des voix d'hommes dans la forêt. Les chiens n'aboyaient pas, mais l'habitude qu'ils ont de se nourrir de viande crue dans ces contrées leur a fait perdre la finesse de l'odorat. Toribio s'en rapportait donc moins à l'instinct de ces animaux qu'à sa propre vigilance. Sans plus tarder, il bride les chevaux qu'il tenait toujours scellés dans le corral, supplie les deux dames de s'esquiver par la route de Cordova. Doña Ventura aide sa fille, tremblante, à se placer en croupe derrière elle. Pepa jette ses deux bras autour du corps de sa mère et se recommande au vieil intendant qui, armé d'un sabre et d'une carabine, se tenait prêt à les escorter toutes les deux. De son côté, roi Cinto, qui ne comprenait pas la gravité du péril, il avait 12 ans, saisit en riant les crins de son cheval. Il pose son pied gauche sur le genou de la bête, allonge tant qu'il peut son pied droit, se balance de bas en haut, et le voilà en selle, essayant la pointe de ses éperons sur les flancs de sa monture, qui se cabre. Toribio lui avait passé au bras un petit fouet et suspendu sur son épaule la petite fronde sans laquelle le capricieux et sauvage enfant ne sortait jamais. Ainsi préparé à fuir, la famille se mit en marche. La retraite eût été possible si l'ennemi n'eût pas connu les abords de la maison aussi bien que ceux qui l'habitaient. Après avoir placé ses espions autour de la poste et à l'entrée des divers chemins qui viennent y aboutir, Fernando s'était embusqué sur la route même de Cordova. La petite troupe ne pouvait marcher si doucement qu'il ne l'entendit venir. Il se jeta à sa rencontre et lui barrant le passage. « Halte là ! » s'écria-t-il. « Le petit muletier a deux mots à vous dire. »« Fuyez, fuyez à travers la forêt !» s'écria Toribio en tirant sur le bandit un coup de carabine qui lui effleura le front. « Roi Cinto, mon garçon, couche-toi sur la selle et file sous les branches. » Et il tomba, le crâne fracassé par un coup de sabre que lui porta Fernando. « Je me suis défendu, » dit le brigand en prenant la main du vieillard. « Si tu ne m'avais pas attaqué, je te laissais passer. » Toribio mis hors de combat, il ne restait plus personne pour défendre Pepa et sa mère. Les gens de la poste, je vous l'ai dit, avaient presque tous déserté la maison pour courir la campagne. Les autres se couchaient dans les bois. Dès qu'il vit tomber ce fidèle intendant, Fernando se lança sur les traces des deux femmes qui cherchaient à se frayer une route au milieu des arbres. Il les eut bientôt rejointes. Elles ne crièrent point. La frayeur les rendait muettes. Le muletier les ramenait vers leur maison sans proférer une seule parole. Ce fut dans cette même salle où nous avons passé la soirée que Fernando se retrouva seul en face de Doña Ventura, qui l'avait tant de fois accueilli avec bonté, et de sa fille, qui l'avait peut-être aimée. « Doña Ventura, » dit Fernando en s'asseyant devant elle, « je ne vous demande pas votre fille qui m'appartient par droit de conquête. Non pas que j'en veuille faire ma femme, j'ai renoncé au mariage. Elle me suivra en qualité de bailarina, moi et ma troupe. Voyons, Pepita, va prendre les beaux ornements que t'a donné Gil Pérez. C'est un galant homme, n'est-ce pas? Et vous, Doña Ventura, faites amener ici vos chevaux pour ceux de mes amis qui en manquent. » Les gauchos envahissaient tumultueusement la maison et demandaient à grands cris des montures. Avant de partir, Toribio avait disséminé les chevaux de la poste dans la forêt. Il était impossible de les rassembler au milieu de la nuit. Pour calmer l'impatience de ces bandits, Doña Ventura leur versa tout ce qu'elle avait d'eau-de-vie dans sa maison. Elle espérait les enivrer et fuir pendant leur sommeil, mais Fernando ne buvait pas. Dès que le jour parut, il envoya une partie de la troupe à la recherche des chevaux, qu'on retrouva çà et là, errant dans les bois. La maison de poste fut bientôt pillée, et les gauchos y mirent le feu sous prétexte de se chauffer. Il s'ensuivit une scène de confusion et de désordre, à la faveur de laquelle Doña Ventura crut pouvoir se soustraire au regard du muletier. Prenant sa fille par la main, elle l'entraîna vers un fourré, où toutes les deux, à genoux et immobiles d'effroi, elles adressèrent au ciel de ferventes prières. Peu à peu le calme se rétablit. Les gauchos s'éloignaient les uns après les autres, ceux-ci blasphémant, ceux-là chantant, tous chargés du butin qu'ils avaient recueilli lors de l'incendie des chariots et dans le pillage de la poste. Quand les derniers traînards eurent pris le galop pour rejoindre leurs camarades, Fernando s'avança droit vers le hallier où les deux dames, serrées l'une contre l'autre, attendaient avec une lueur d'espoir l'instant de leur délivrance. Il saisit Pépita par le bras et la fit asseoir, de force, sur la croupe de son cheval. Puis, repoussant du pied la vieille mère, qui luttait vainement pour retenir sa fille et s'accrochait à elle avec des efforts désespérés. « Madame, lui dit-il, je vous ai promis de vous protéger. Il ne vous a été fait aucun mal. J'ai tenu ma parole. Adieu. » Et il disparut au galop, emmenant Pépita plus morte que vive. La pauvre enfant poussait des cris lamentables. Pour toute réponse, le muletier chantait ce refrain que vous vous rappelez. « No estes tan contenta, Juana. Envers mes peinards porti, que lo que hoy fue a de mi, podrá ser de ti mañana. » Que devint Doña Ventura, abandonnée seule au sein d'une solitude dévastée, personne ne le sait. Elle y aura péri de faim, de misère et de froid. Jacinto ne reparut point non plus à la maison de poste. Emporté par son cheval, qui l'éperonnait à grands coups de talons et fouettait à tour de bras, l'enfant s'égara dans les pampas. Le cheval, hors d'haleine, tomba épuisé après une course qui n'avait pas duré moins de 24 heures, et Jacinto, épouvanté de se sentir seul dans le désert, sans savoir quelle route prendre pour regagner les habitations, perdit la tête. Trop inexpérimenté pour se guider le jour par le soleil, la nuit par les étoiles, il erra au hasard. Combien de temps, c'est ce qu'on n'a jamais su. 8 jours après sa fuite, on trouva par hasard, sur la frontière du pays des Indiens, le corps d'un enfant que l'on supposa être le sien. Un fouet pendait à sa main gauche et une fronde était jetée autour de ses épaules. Ces deux objets et les éperons attachés à ses pieds étaient tout ce qui restait de reconnaissable de ce petit cadavre dont les oiseaux de proie avaient déjà fait un squelette. Pépita, le seul être qui survécut à cette famille détruite, galopait derrière Fernando, ignorant quel sort lui était réservé. À mesure qu'elle s'éloignait de sa demeure ravagée, l'espoir de retrouver sa mère s'affaiblissait dans son cœur. Bientôt, elle se vit hors des bois, en pleine pampa, au milieu d'une horde de cavaliers armés pour la guerre et pour le pillage. Les bouviers de Gil Pérez et les postillons de la Esquina ne tardèrent pas à se disperser. Satisfaits du butin qu'ils s'étaient approprié, ils s'en allèrent chercher fortune ailleurs. Les scènes de désordre auxquelles ils avaient pris part ne leur laissaient aucun remords. Ils ne craignaient point non plus d'être poursuivis ni inquiets. Qui les reconnaîtrait à 100 lieues de là? Qui leur demanderait où ils avaient pris les beaux châles roulés à leur ceinture, où ils avaient acheté les chevaux qu'ils traînaient à leur suite? La troupe de Fernando fut donc réduite aux quelques amis qui se vouaient à la vie vagabonde des criminels du gaucho malo. À la première halte, le muletier fit descendre Pépa. La pauvre enfant tremblait de tous ses membres et n'osait lever les yeux sur lui. Assise dans les grandes herbes qui la cachaient à moitié, le visage couvert de ses deux mains, elle demeurait insensible et muette, tandis que les cavaliers, mettant pied à terre, s'occupaient à camper. Fernando s'approcha d'elle. « Pépita, lui dit-il, moi et les braves gens qui m'accompagnent, nous faisons un rude métier. Nos marches sont longues, nous ne sommes jamais sûrs de dormir en paix. C'est donc le moins qu'aux heures de halte, tu nous fasses oublier les fatigues de la veille et les périls du lendemain. Allons, Nina, debout. » Et comme la jeune fille se levait lentement, dominée par ces paroles dont elle ne comprenait pas bien le sens, un gaucho à la figure balafrée se mit à faire résonner les cordes d'une guitare. « Chante, chante, Pépa !» cria Fernando d'une voix impérieuse. « Dis-nous une des chansons de ton pays, tu chantes si bien !» Elle en savait beaucoup, mais la honte et la douleur l'empêchaient d'articuler un son. Le gaucho préludait toujours, et Fernando, furieux, répétait en la regardant. « Chante donc, Pépa !» Les strophes que la jeune fille cherchait à se rappeler et qui se pressaient tumultueusement dans sa tête troublée jaillirent enfin comme l'eau d'une source qui se fait jour à travers un rocher. Palpitante d'émotion, les yeux baissés, elle entonna un romance triste et doux. Sa voix, d'abord mal assurée, devenait peu à peu plus claire et plus vibrante. Cette plaintive mélodie soulageait sa douleur, comme si elle eût versé un torrent de larmes. Attirés par ses chants, tous les gauchos se tenaient debout autour d'elle. Ils inclinaient la tête et l'écoutaient en silence, appuyés sur leurs sabres. Leurs visages, hâlés par le vent de la pampa et bronzés par le soleil, perdaient un peu de leur impassibilité habituelle. Il semblait que ces hommes au cœur endurci ressentaient à leur insu quelque pitié pour la jeune fille. Les bras croisés, son chapeau pointu à petits bords abaissé sur le front, Fernando allait et venait devant Pepita. Il traînait doucement ses éperons sur l'herbe en faisant le moins de bruit possible. Une agitation extraordinaire qu'il ne pouvait maîtriser contractait ses traits. Savourait-il le plaisir de la vengeance? Était-ce le remords qui s'éveillait en lui? Peut-être ces deux sentiments opposés se combattaient-ils dans l'âme du gaucho? Tout à coup, il s'arrêta et fit signe à Pepita de se taire. Puis, la conduisant par la main au milieu du camp, à l'endroit où étaient rassemblées les armes et les bagages. « Va te reposer au pied de ma lance, lui dit-il, et tâche une autre fois de nous chanter un romance plus gai que celui-là. Malheur à toi si tu arraches jamais une larme à quelqu'un de mes hommes. » La pauvre fille s'alla cacher à la place qui lui était assignée. On n'en eût pas réservé d'autre aux chiens sans maître que le hasard aurait jeté au milieu des cavaliers errants. Quand Fernando s'approchait d'elle, Pepita pâlissait, un frisson parcourait tous ses membres. Mais le gaucho laissait tomber sur elle un regard indifférent et semblait lui dire « Je t'ai trop humilié pour ne pas te haïr. » Il la traîna ainsi à sa suite dans ses excursions à travers la pampa. Partout où elle passait, pareil comme pour une fête, Fernando l'ordonnait ainsi, on l'appelait la femme du gaucho malo. La pâleur de son visage, l'expression de douleur répandue sur toute sa physionomie, contrastait singulièrement avec cette toilette recherchée. Mais bientôt cette toilette perdit de son éclat et se fana comme celle qui la portait. Quand, après des actes de brigandage, le muletier tombait dans ses humeurs sombres, il fallait que la jeune fille prît en main sa guitare et dansât devant lui. Cependant, cette vengeance prolongée ne lui causait point tout le plaisir qu'il s'en était promis. Pepa dépérissait de jour en jour. En la voyant si morne, si abattue, Fernando se rappelait involontairement qu'il l'avait connue fraîche et jolie, qu'il l'avait aimée. Pour écarter ce souvenir, il cherchait à la baisser encore. Il la contraignait à détacher ses éperons, à préparer le feu du bivouac, à servir le puchero à ses compagnons. Ceux-ci s'habituaient à traiter Pepita avec dédain. La compassion qu'elle leur avait d'abord inspirée s'était évanouie bien vite. Ils s'amusaient à voir cette jeune captive couvrir son visage de ses mains pour éviter leur regard méprisant et grossier, puis pleurer de honte en entendant leurs propos railleurs. La vie de Pepa était donc, comme l'avait voulu Fernando, un long et cruel supplice. Son rôle consistait à entretenir la joie parmi des bandits, à amener un sourire sur des lèvres qui s'ouvraient presque toujours pour l'insulter. Elle désirait mourir. Souvent elle eut envie de résister aux colères de l'implacable gaucho, de le provoquer jusqu'à la fureur afin qu'il la tuât. Mais la timidité l'emportait sur le désespoir. Plusieurs fois l'occasion de fuir s'était offerte. La nuit, quand les cavaliers, fatigués d'une longue course, dormaient tous, jusqu'aux sentinelles chargées de veiller, elle aurait pu déserter le camp. Mais où aller? La bande s'approchait rarement des habitations, excepté pour les mettre au pillage. Celle qui passait partout pour la femme du gaucho malo pouvait-elle être accueillie autrement que comme complice des méfaits de ceux dont elle partageait la vie? Après plusieurs mois employés à courir la plaine en tous sens, Fernando, envahi par le succès et l'impunité, résolut de s'approcher des villages. D'autres bandes, mieux organisées et plus nombreuses que la sienne, jetaient l'alarme dans la province de Cordova. Il voulait profiter de la confusion générale et se lancer dans la mêlée, comme un petit corsaire qui se glisse toute voile dehors, au milieu des grands navires armés en guerre. Cependant, les milices étaient sur pied. Appelées d'abord pour combattre les insurgés qui menaçaient la ville de Cordova, elles avaient été vaincues. La ville restait au pouvoir des cavaliers de la plaine. Les miliciens ne pouvaient plus rentrer dans leur foyer dont l'ennemi venait de prendre possession. Ceux que la proscription chassait sans retour de leur pays, et j'étais de ce nombre, se voyaient contraints de fuir au hasard, échangeant quelques coups de carabine avec les corps isolés qui cherchaient à leur barrer le chemin. La compagnie à laquelle j'appartenais diminuait de jour en jour. Chacun se dirigeait furtivement là où il espérait trouver un asile. Nous ne restions plus que 20 hommes décidés à gagner les provinces de l'Ouest et passer les Andes pour nous réfugier au Chili. C'était 200 lieues qu'il nous fallait faire avant d'avoir mis la frontière entre l'ennemi et nous. Comme nous nous enfoncions un soir dans la Sierra de Cordova pour gagner San Luis de la Punta, nous aperçûmes entre les rochers la fumée d'un bivouac. « Irons-nous reconnaître ce campement ? » demandai-je à l'officier qui nous commandait. Ce sont les gauchos, répondit celui-ci. La nuit vient vite, nous passerons près d'eux sans qu'ils nous voient. Ces pillards-là n'aiment pas à se battre quand il n'y a rien à prendre. Et nous avançâmes en silence. À la lueur des feux, nous distinguâmes une douzaine de cavaliers assis à terre sur leurs selles. Ils avaient formé au centre du camp un faisceau de lances et regardaient danser une femme dont la silhouette se détachait sur la vive lumière du foyer. Ils ne nous entendaient point venir. Nous marchions petits pas, un pistolet dans une main, la carabine dans l'autre. Déjà nous avions côtoyé le camp des gauchos sans être aperçus. Déjà nous rassemblions nos chevaux pour les lancer au galop et nous éloigner au plus vite de ce dangereux voisinage. À quoi bon combattre? La partie était perdue. Il ne s'agissait plus pour nous que d'aller en exil. Nous allions donc laisser l'ennemi derrière nous, quand un jeune milicien qui se trouvait à l'arrière-garde déchargea imprudemment son mousqueton sur le groupe des cavaliers. À ce coup de feu, vous eussiez vu les gauchos sauter sur leurs armes, s'élancer à cheval et s'arrêter un instant pour savoir d'où venait le danger. Notre officier poussa aussitôt un grand cri auquel nous répondîmes tous. Grossi par les échos, ce cri ressemblait à une clameur. Il jeta l'épouvante parmi les gauchos. Tandis que ceux-ci hésitaient à prendre l'offensive et semblaient effrayés de leur petit nombre en face de ce péril inattendu, nous tournâmes leur camp. L'ennemi déchargea sur nous, dans les ténèbres, une demi-douzaine de carabines, sans blesser aucun des nôtres. Ceux qui ne portaient que des lances firent volte-face. Le reste de la bande, entraîné par les fuyards, battit en retraite, et les coups de feu que nous dirigeâmes contre eux, en nous guidant sur le pas de leurs chevaux, acheva de les disperser. Il en tomba quelques-uns, mais nous ne nous arrêtâmes point à compter les morts. Cette victoire inutile pouvait trahir notre fuite. Le meilleur parti qui nous resta à prendre, c'était de nous jeter au milieu des ravins et d'éviter à l'avenir une pareille rencontre. Dans le combat, la femme qui dansait devant les feux du bivouac quelques moments auparavant avait disparu. Nous ne pensions plus à elle. Tout à coup, comme nous reformions nos rangs, une ombre passa devant la tête de la colonne. « Qui vive ? » cria l'officier, et nous rechargeâmes vivement nos armes. « Qui vive ? » répète l'officier, en fouillant avec son sabre les buissons qui bordaient le sentier. Nous écoutons tous en silence, et nous entendons enfin un gémissement plaintif entrecoupé de sanglots. « C'est un blessé, dit le brigadier, tant pis pour lui. Nous ne menons point à notre suite de chirurgiens pour guérir ceux que nos balles ont frappés. » « Seigneur cavalier, cria enfin l'être mystérieux qui se cachait dans l'ombre, ayez pitié de moi, sauvez-moi, il est mort, je suis libre. Ah, ma mère, ma mère !» L'officier avait mis pied à terre. Il sentit autour de son cou les deux bras de la jeune fille qui s'accrochait à lui en répétant « Sauvez-moi, il est mort !» Nous avions fait halte. « C'est la Bellarina, disaient les miliciens. Elle nous retient ici pour donner aux siens le temps de revenir. C'est la femme du gaucho Malo. » « Je suis Pepa Flores, cria vivement l'inconnu, la fille de Doña Ventura de la Esquina. Ah, seigneur cavalier, vous êtes des gens honnêtes, vous. Jamais, jamais je n'ai été la femme de Fernando. N'y a-t-il donc personne parmi vous qui ait connu Doña Ventura ?» Pendant que Pepa s'exprimait ainsi, le son de sa voix me revenait à l'esprit. « Elle a dit vrai, m'écriai-je. Je réponds d'elle. Viens, Pepita, tu n'auras rien à craindre avec nous. » La pauvre enfant était si faible, si émue, que nous dûmes camper à quelques lieues de là pour lui laisser prendre un peu de repos.